La débâcle, première partie, chapitre 3. À sa grande surprise, Maurice vit que le 106e descendait à Reims et recevait l'ordre d'y camper. On n'allait donc pas à Châlons rejoindre l'armée? Et lorsque, 2 heures plus tard, son régiment eut formé les faisceaux, à 1 lieue de la ville, du côté de Courcelles, dans la vaste plaine qui s'étend le long du canal de l'Aisne à la Marne, son étonnement grandit encore, en apprenant que toute l'armée de Châlons se repliait depuis le matin et venait bivouaquer en cet endroit. En effet, d'un bout de l'horizon à l'autre, jusqu'à Saint-Thierry et à la Neuvillette, au-delà même de la route de l'An, des tentes se dressaient, les feux de 4 corps d'armée flamberaient là le soir. Évidemment, le plan qui avait prévalu était d'aller prendre position sous Paris pour y attendre les Prussiens. Et il en fut très heureux. N'était-ce pas le plus sage? Cet après-midi du 21, Maurice la passa à flâner au travers du camp en quête de nouvelles. On était très libre, la discipline semblait s'être relâchée encore, les hommes s'écartèrent, entraient à leur fantaisie. Lui, tranquillement, finit par retourner à Reims, où il voulait toucher un bon de 100 francs qu'il avait reçu de sa sœur Henriette. Dans un café, il entendit un sergent parler du mauvais esprit des 18 bataillons de la garde mobile de la Seine, qu'on venait de renvoyer à Paris. Le 6e bataillon surtout avait failli tuer ses chefs. Là-bas, au camp, journellement, les généraux étaient insultés, et les soldats ne saluaient même plus le maréchal de MacMahon, depuis Frechwiller. Le café s'emplissait de voix, une violente discussion éclata entre 2 bourgeois paisibles, au sujet du nombre d'hommes que le maréchal allait avoir sous ses ordres. L'un parlait de 300 000, c'était fou. L'autre, plus raisonnable, énumérait les 4 corps. Le 12e, péniblement complété au camp, à l'aide de régiments de marche et d'une division d'infanterie de marine. Le 1er, dont les débris arrivaient débandés depuis le 14, et dont on reformait tant bien que mal les cadres. Enfin le 5e, défait sans avoir combattu, emporté, disloqué dans la déroute, et le 7e qui débarquait, démoralisé lui aussi, amoindri de sa première division qu'il venait seulement de retrouver à Reims, en pièces. Au plus, 120 000 hommes, en comptant la cavalerie de réserve, les divisions Bonnemain et Marguerite. Mais le sergent s'étant mêlé à la querelle, en traitant avec un mépris furieux cette armée, un ramassis d'hommes sans cohésion, un troupeau d'innocents menés au massacre par des imbéciles, les 2 bourgeois, pris d'inquiétude, craignant d'être compromis, filèrent. Dehors, Maurice tâcha de se procurer des journaux. Il se bourra les poches de tous les numéros qu'il put acheter. Et il les lisait en marchant sous les grands arbres des magnifiques promenades qui bordent la ville. Où étaient donc les armées allemandes? Il semblait qu'on les eût perdues. 2 sans doute se trouvaient du côté de Metz. La première, celle que le général Steinmetz commandait, surveillant la place. La seconde, celle du prince Frédéric Charles, tâchant de remonter la rive droite de la Moselle pour couper à Bazaine la route de Paris. Mais la 3e armée, celle du prince royal de Prusse, l'armée victorieuse à Wissembourg et à Frechwiller, et qui poursuivait le 1er corps et la 5e, où était-elle réellement, au milieu du gâchis des informations contradictoires? Campait-elle encore à Nancy? Arrivait-elle devant Châlons, pour qu'on eût quitté le camp avec une telle hâte en incendiant les magasins, des objets d'équipement, des fourrages, des provisions de toutes sortes? Et la confusion, les hypothèses les plus contraires recommençaient d'ailleurs, à propos des plans qu'on prêtait aux généraux. Maurice, comme séparé du monde, apprit seulement alors les événements de Paris. Le coup de foudre de la défaite sur tout un peuple certain de la victoire, l'émotion terrible des rues, la convocation des chambres, la chute du ministère libéral qui avait fait le plébiscite, l'empereur déchu de son titre de général en chef, forcé de passer le commandement suprême au maréchal Bazaine. Depuis le 16, l'empereur était au camp de Châlons, et tous les journaux parlaient d'un grand conseil tenu le 17, où avaient assisté le prince Napoléon et des généraux. Mais ils ne s'accordaient guère entre eux sur les véritables décisions prises, en dehors des faits qui en résultaient. Le général Trochu, nommé gouverneur de Paris, le maréchal de Mac Mahon, mis à la tête de l'armée de Châlons, ce qui impliquait le complet effacement de l'empereur. On sentait un effarement, une irrésolution immense, des plans opposés qui se combattaient, qui se succédaient d'heure en heure. Et toujours cette question, où donc étaient les armées allemandes? Qui avait raison de ceux qui prétendaient Bazaine libre, en train d'opérer sa retraite par les places du Nord, ou de ceux qui le disaient déjà bloqué sous Metz? Un bruit persistant courait de gigantesques batailles, de luttes héroïques soutenues du 14 au 20 pendant toute une semaine, sans qu'il s'en dégageât autre chose qu'un formidable retentissement d'armes, lointain et perdu. Alors Maurice, les jambes cassées de fatigue, s'assit sur un banc. La ville autour de lui semblait vivre de sa vie quotidienne, et des bonnes sous les beaux arbres surveillaient des enfants, tandis que les petits rentiers faisaient d'un pas ralenti leur habituelle promenade. Il avait repris ses journaux lorsqu'il tomba sur un article qui lui avait échappé, l'article d'une feuille ardente de l'opposition républicaine. Brusquement, tout s'éclaira. Le journal affirmait que dans le conseil du 17, tenu au camp de Châlons, la retraite de l'armée sur Paris avait été décidée et que la nomination du général Trochu n'était faite que pour préparer la rentrée de l'empereur. Mais il ajoutait que ces résolutions venaient de se briser devant l'attitude de l'impératrice régente et du nouveau ministère. Pour l'impératrice, une révolution était certaine si l'empereur reparaissait. On lui prêtait ce mot « il n'arriverait pas vivant aux Tuileries ». Aussi voulait-elle, de toute son entêtée volonté, la marche en avant, la jonction, quand même avec l'armée de Metz, soutenue d'ailleurs par le général de Palikao, le nouveau ministre de la guerre, qui avait un plan de marche foudroyante et victorieuse pour donner la main à Bazaine. Et, le journal glissé sur les genoux, Maurice maintenant, les regards perdus, croyait tout comprendre. Les deux plans qui se combattaient, les hésitations du maréchal de Mac Mahon à entreprendre cette marche de flanc si dangereuse avec des troupes peu solides, les ordres impatients, de plus en plus irrités, qui lui arrivaient de Paris, qui le poussaient à la témérité folle de cette aventure. Puis, au milieu de cette lutte tragique, il eut tout d'un coup la vision nette de l'empereur, démis de son autorité impériale, qu'il avait confiée aux mains de l'impératrice régente, dépouillé de son commandement de général en chef, dont il venait d'investir le maréchal Bazaine, n'étant plus absolument rien, une ombre d'empereur, indéfinie et vague, une inutilité sans nom et encombrante, dont on ne savait quoi faire, que Paris repoussait, et qui n'avait plus de place dans l'armée, depuis qu'il s'était engagé à ne pas même donner un ordre. Cependant, le lendemain matin, après une nuit orageuse, qu'il dormit hors de la tente, roulé dans sa couverture, ce fut un soulagement pour Maurice d'apprendre que, décidément, la retraite sur Paris l'emportait. On parlait d'un nouveau conseil, tenu la veille au soir, auquel assistait l'ancien vice-empereur, M. Rouet, envoyé par l'impératrice pour hâter la marche sur Verdun, et que le maréchal semblait avoir convaincu du danger d'un pareil mouvement. Avait-on reçu de mauvaises nouvelles de Bazaine? On osait l'affirmer. Mais l'absence de nouvelles même était significative. Tous les officiers de quelque bon sens se prononçaient pour l'attente sous Paris, dont on allait être ainsi l'armée de secours. Et, convaincu qu'on se replierait dès le lendemain, puisqu'on disait les ordres donnés, Maurice, heureux, voulut satisfaire une envie d'enfant qui le tourmentait, celle d'échapper pour une fois à la gamelle, de déjeuner quelque part sur une nappe, d'avoir devant lui une bouteille, un verre, une assiette, toutes ces choses dont il lui semblait être privé depuis des mois. Il avait de l'argent, il fila le cœur battant, comme pour une fredaine cherchant une auberge. Ce fut, au-delà du canal, à l'entrée du village de Courcelles, qu'il trouva le déjeuner rêvé. La veille, on lui avait dit que l'empereur était descendu dans une maison bourgeoise de ce village, et il y était venu flâner par curiosité. Il se souvenait d'avoir vu, à l'angle de deux routes, ce cabaret avec sa tonnelle, d'où pendaient de belles grappes de raisins déjà dorées et mûres. Sous la vigne grimpante, il y avait des tables peintes en verre, tandis que, dans la vaste cuisine, par la porte grande ouverte, on apercevait l'horloge sonore, des images d'Épinal collées parmi les faïences, l'hôtesse énorme activant le tournebroche. Derrière s'étendait un jeu de boules. Et c'était bon enfant, gai et joli, toute la vieille guinguette française. Une belle fille, de poitrine solide, vint lui demander, en montrant ses dents blanches, « Est-ce que monsieur déjeune ?»« Mais oui, je déjeune. Donnez-moi des œufs, une côtelette, du fromage et du vin blanc. » Il la rappela. « Dites, n'est-ce pas dans une de ces maisons que l'empereur est descendu ?»« Tenez, monsieur, dans celle qui est là devant nous. Vous ne voyez pas la maison, elle est derrière ce grand mur que des arbres dépassent. » Alors, il s'installa sous la tonnelle, déboucla son ceinturon pour être plus à l'aise, choisit sa table, sur laquelle le soleil, filant à travers les pampres, jetait des palets d'or. Et il revenait toujours à ce grand mur jaune qui abritait l'empereur. C'était en effet une maison cachée, mystérieuse, dont on ne voyait pas même les tuiles du dehors. L'entrée donnait de l'autre côté, sur la rue du village, une rue étroite, sans une boutique, ni même une fenêtre, qui tournait entre des murailles mornes. Derrière, le petit parc faisait comme un îlot d'épaisses verdures, parmi les quelques constructions voisines. Et là, il remarqua, à l'autre bord de la route, encombrant une large cour, entourée de remises et d'écuries, tout un matériel de voitures et de fourgons, au milieu d'un va-et-vient continu d'hommes et de chevaux. « Est-ce que c'est pour l'empereur, tout ça ? » demanda-t-il, croyant plaisanter, à la servante qui étalait sur la table une nappe très blanche. « Pour l'empereur tout seul, justement !» répondit-elle de son bel air de gaieté, heureuse de montrer ses dents fraîches. Et, renseignée sans doute par les palefreniers, qui depuis la veille venaient boire, elle énuméra. L'état-major, composé de 25 officiers, les 60 sans-gardes et le peloton de guides du service d'escorte, les 6 gendarmes du service de la prévôté, puis la maison comprenant 73 personnes, des chambellans, des valets de chambre et de bouche, des cuisiniers, des marmitons, puis 4 chevaux de selle et 2 voitures pour l'empereur, 10 chevaux pour les écuyers, 8 pour les piqueurs et les grooms, sans compter 47 chevaux de poste, puis un char à banc, 12 fourgons à bagages, dont 2 réservés aux cuisiniers, avait fait son admiration par la quantité d'ustensiles, d'assiettes et de bouteilles qu'on y apercevait en bel ordre. Oh, monsieur, on n'a pas idée de ces casseroles, ça luit comme des soleils. Et toutes sortes de plats, de vases, de machines qui servent, je ne peux même pas vous dire à quoi. Et une cave, oui, du Bordeaux, du Bourgogne, du Champagne, de quoi donner une fameuse noce. Dans la joie de la nappe très blanche, ravie du vin blanc qui étincelait dans son verre, Maurice mangea 2 œufs à la coque, avec une gourmandise qu'il ne se connaissait pas. À gauche, lorsqu'il tournait la tête, il avait, par une des portes de la tonnelle, la vue de la vaste plaine, plantée de tentes, toute une ville grouillante qui venait de pousser parmi les chaumes, entre le canal et Reims. À peine quelques maigres bouquets d'arbres tachaient-ils de vert la grise étendue. trois moulins dressaient leurs bras maigres. Mais, au-dessus des confuses toitures de Reims, que noyaient des cimes de marronniers, le colossal vaisseau de la cathédrale se profilait dans l'air bleu, géant malgré la distance, à côté des maisons basses. Et des souvenirs de classe, des leçons apprises, annonnées, revenaient dans sa mémoire. Le sacre de nos rois, la sainte ampoule, Clovis, Jeanne d'Arc, toute la glorieuse vieille France. Puis, comme Maurice, envahi de nouveau par l'idée de l'empereur, dans cette modeste maison bourgeoise, si discrètement close, ramenait les yeux sur le grand mur jaune, il fut surpris d'y lire, charbonné en énormes lettres, ce cri « Vive Napoléon !» à côté d'obscénités maladroites, démesurément grossies. La pluie avait lavé les lettres, l'inscription évidemment était ancienne. Quelle singulière chose sur cette muraille, ce cri du vieil enthousiasme guerrier qui acclamait sans doute l'oncle, le conquérant et non le neveu. Déjà toute son enfance renaissait, chantait dans ses souvenirs. Lorsque là-bas, au chêne populeux, dès le berceau, il écoutait les histoires de son grand-père, un des soldats de la grande armée. Sa mère était morte, son père avait dû accepter un emploi de percepteur dans cette faillite de la gloire qui avait frappé les fils des héros après la chute de l'Empire. Et le grand-père vivait là, d'une infime pension, retombée à la médiocrité de cet intérieur de bureaucrate, n'ayant d'autre consolation que de conter ses campagnes à ses petits-enfants, les deux jumeaux, le garçon et la fille, aux mêmes cheveux blonds, dont il était un peu la mère. Il installait Henriette sur son genou gauche, Maurice sur son genou droit, et c'était pendant des heures des récits homériques de bataille. Les temps se confondaient. Cela semblait se passer en dehors de l'histoire, dans un choc effroyable de tous les peuples. Les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes défilaient tour à tour, et ensemble, au petit bonheur des alliances, sans qu'il fût toujours possible de savoir pourquoi les uns étaient battus plutôt que les autres. Mais, en fin de compte, tous étaient battus, inévitablement battus à l'avance, dans une poussée d'héroïsme et de génie qui balayait les armées comme de la paille. C'était Marengo, la bataille en plaine, avec ses grandes lignes savamment développées, son impeccable retraite en échiquier par bataillon, silencieuse et impassible sous le feu, la légendaire bataille perdue à 3 heures, gagnée à 6, où les 800 grenadiers de la garde consulaire brisèrent l'élan de toute la cavalerie autrichienne, où Desaix arriva pour mourir et pour changer la déroute commençante en une immortelle victoire. C'était Austerlitz, avec son beau soleil de gloire dans la brume d'hiver. Austerlitz débutant par la prise du plateau de Plzen, se terminant par la terrifiante débâcle des étangs glacés. Tout un corps d'armée russe s'effondrant sous la glace, les hommes, les bêtes, dans un affreux craquement. Tandis que le dieu Napoléon, qui avait naturellement tout prévu, hâtait le désastre à coups de boulet. C'était Iéna, le tombeau de la puissance prussienne. D'abord des feux de tirailleurs à travers le brouillard d'octobre, l'impatience de Ney qui manque de tout compromettre, puis l'entrée en ligne d'Augereau qui le dégage, le grand choc dont la violence emporte le centre ennemi. Enfin la panique, le sauve-qui-peut d'une cavalerie trop vantée, que nos hussards sabrent ainsi que des avoines mûres, semant la vallée romantique d'hommes et de chevaux moissonnés. C'était Hélo, l'abominable Hélo, la plus sanglante, la boucherie entassant les corps hideusement défigurés. Hélo, rouge de sang sous sa tempête de neige, avec son morne et héroïque cimetière. Hélo, encore tout retentissant de sa foudroyante charge des 80 escadrons de Murat, qui traversèrent de part en part l'armée russe, jonchant le sol d'une telle épaisseur de cadavres que Napoléon lui-même en pleura. C'était Friedland, le grand piège effroyable, où les Russes de nouveau vinrent tomber comme une bande de moineaux étourdis. le chef-d'œuvre de stratégie de l'empereur, qui savait tout et pouvait tout. Notre gauche immobile, imperturbable, tandis que Ney, ayant pris la ville rue par rue, détruisait les ponts. Puis notre gauche alors, se ruant sur la droite ennemie, la poussant à la rivière, l'écrasant dans cette impasse, une telle besogne de massacre qu'on tuait encore à 10 heures du soir. C'était Wagram, les Autrichiens voulant nous couper du Danube, renforçant toujours leur aile droite pour battre Masséna, qui, blessé, commandait en calèche découverte. Et Napoléon, malin et titanique, les laissant faire. Et tout d'un coup, 100 pièces de canon enfoncent en un feu terrible leur centre dégarni, leur rejetant à plus d'une lieue. Pendant que la droite, épouvantée de son isolement, lâchant pied devant Masséna, redevenu victorieux, emporte le reste de l'armée dans une dévastation de digues rompues. C'était enfin la Moscova, où le clair soleil d'Austerlitz reparut pour la dernière fois. Une terrifiante mêlée d'hommes, la confusion du nombre et du courage entêté, des mamelons enlevés sous l'incessante fusillade, des redoutes prises d'assaut à l'arme blanche, de continuels retours offensifs, disputant chaque pouce de terrain. Un tel acharnement de bravoure de la garde russe qu'il fallut pour la victoire les furieuses charges de Murat, le tonnerre de 300 canons tirant ensemble, et la valeur de Ney, le triomphal prince de la journée. Et, quelle que fût la bataille, les drapeaux flottaient avec le même frisson glorieux dans l'air du soir, les mêmes cris de « Vive Napoléon !» retentissaient à l'heure où les feux de bivouac s'allumaient sur les positions conquises. La France était partout chez elle, en conquérante qui promenait ses aigles invincibles d'un bout de l'Europe à l'autre, n'ayant qu'à poser le pied dans les royaumes pour faire rentrer en terre les peuples domptés. Maurice achevait sa côtelette, grisé moins par le vin blanc qui pétillait au fond de son verre que par tant de gloire évoquée chantant dans sa mémoire. Lorsque son regard tomba sur 2 soldats en loques, couverts de boue, pareils à des bandits las de rouler les routes. Et il les entendit demander à la servante des renseignements sur l'exacte position des régiments campés le long du canal. Alors il les appela. « Hé, camarades, par ici ! Mais vous êtes du 7e corps, vous ?»« Bien sûr ! De la 1ère division. Ah, foutre, je vous le promets que j'en suis. À preuve que j'étais à Fraîchevillers, où il ne faisait pas froid, je vous en réponds. Et tenez, le camarade, lui, est du 1er corps, et il était à Wissenbourg. Encore un sale endroit. » Ils dirent leur histoire, roulés dans la panique et dans la déroute, restés à demi-morts de fatigue au fond d'un fossé, blessés même légèrement l'un et l'autre, et dès lors, traînant la jambe à la queue de l'armée, forcé de s'arrêter dans des villes par des crises épuisantes de fièvre, si en retard, enfin, qu'ils arrivaient seulement, un peu remis, en quête de leur escouade. Le cœur serré, Maurice, qui allait attaquer un morceau de gruyère, remarqua leurs yeux voraces fixés sur son assiette. « Dites donc, mademoiselle, encore du fromage et du pain et du vin !» N'est-ce pas, camarade? Vous allez faire comme moi. Je régale à votre santé. » Ils s'attablèrent, ravis. Et lui, envahi d'un froid grandissant, les regardait, dans leur déchéance lamentable de soldats sans armes, vêtus de pantalons rouges et de capotes si rattachées de ficelles, rapiécées de tant de lambeaux différents, qu'ils ressemblaient à des pillards, à des bohémiens, achevant d'user la défroque de quelques champs de bataille. « Ah, foutre, oui !» reprit le plus grand, la bouche pleine. « Ce n'était pas drôle, là-bas. Faut avoir vu. Raconte donc, Coutard !» Et le petit raconta, avec des gestes, agitant son pain. « Moi, je lavais ma chemise, tandis qu'on faisait la soupe. » Imaginez-vous un sale trou, un vrai entonnoir avec des bois tout autour, qui avait permis à ces cochons de Prussiens de s'approcher à 4 pattes sans qu'on s'en doute seulement. Alors, à 7 heures, voilà que les obus se mettent à tomber dans nos marmites. Nom de Dieu, ça n'a pas traîné. Nous avons sauté sur nos flingots et jusqu'à 11 heures, vrai. On a cru qu'on leur allongeait une raclée dans les grands prix. Mais faut que vous sachiez que nous n'étions pas 5 000 et que ces cochons arrivaient toujours. J'étais, moi, sur un petit coteau, couché derrière un buisson, et j'en voyais des bouchers en face, à droite, à gauche. Oh, de vraies fourmilières, des fils de fourmis noires, si bien que, quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Ce n'est pas pour dire, mais nous pensions tous que les chefs étaient de rudes serins de nous avoir fourrés dans un pareil guépier, loin des camarades, et de nous laisser aplatir sans venir à notre aide. Pour lors, voilà notre général, le pauvre bougre de général Doué. Pas une bête ni un capon, celui-là qui gobe une prune et qui s'étale. Les 4 fers en l'air. Nettoyés, plus personne. Ça ne fait rien, on tient tout de même. Pourtant, ils étaient trop, il fallait bien déguerpir. On se bat dans un enclos, on défend la gare au milieu d'un tel train qu'il y avait de quoi rester sourd. Et puis, je ne sais plus, la ville devait être prise. Nous nous sommes trouvés sur une montagne, le Geisberg, comme ils disent, je crois. Et alors là, retranchés dans une espèce de château, ce que nous en avons tué de ces cochons! Ils sautaient en l'air, ça faisait plaisir de les voir retomber sur le nez. Et puis, que voulez-vous, il en arrivait toujours, 10 hommes contre un, et du canon tant qu'on en demandait. Le courage dans ces histoires-là, ça ne sert qu'à rester sur le carreau. Enfin, une telle marmelade que nous avons dû foutre le camp. N'empêche que, pour des serins, nos officiers se sont montrés de fameux serins, n'est-ce pas, Picot ? Il y eut un silence. Picot, le plus grand, avala un verre de vin blanc, et se torchant d'un revers de main. « Bien sûr, c'est comme un Frechwiller. Fallait être bête à manger du foin pour se battre dans des conditions pareilles. Mon capitaine, un petit malin, le disait. La vérité qu'on ne devait pas savoir. Toute une armée de ces salauds nous est tombée sur le dos, quand nous étions à peine 40 000, nous autres. Et on ne s'attendait pas à se battre ce jour-là. La bataille s'est engagée peu à peu, sans que les chefs le veuillent, paraît-il. Bref, moi, je n'ai pas tout vu, naturellement, mais ce que je sais bien, c'est que la danse a recommencé d'un bout à l'autre de la journée. Et que lorsqu'on croyait que c'était fini, pas du tout, les violons reprenaient de plus belle. D'abord, à Wörth, un gentil village avec un clocher drôle qui a l'air d'un poêle à cause des carreaux de faïence qu'on a mis dessus. Je ne sais foutre pas pourquoi on nous l'avait fait quitter le matin, car nous nous sommes usés les dents et les ongles pour le réoccuper, sans y parvenir. Oh, mes enfants, ce qu'on s'est bûché là, ce qu'il y a eu de ventre ouvert et de cervelle écrabouillée, c'est à ne pas croire. Ensuite, ça a été autour d'un autre village qu'on s'est cogné. Et la Chaussonne, un nom à coucher à la porte. Nous étions canardés par un tas de canons qui tiraient à l'oreille du haut d'une sacrée colline que nous avions lâchée aussi le matin. Et c'est alors que j'ai vu. Oui, moi qui vous parle. J'ai vu la charge des cuirassiers. Ce qu'ils se sont fait tuer, les pauvres bougres. Une vraie pitié de lancer des chevaux et des hommes sur un terrain pareil, une pente couverte de broussailles, coupée de fossés. D'autant plus, nom de Dieu, que ça ne pouvait servir à rien du tout. N'importe, c'était crâne, ça vous réchauffait le cœur. Ensuite, n'est-ce pas, il semblait que le mieux était de s'en aller souffler plus loin. Le village flambait comme une allumette, les Badois, les Wurtembergeois, les Prussiens, toute la clique, plus de 120 000 de ces salauds, à ce qu'on a compté plus tard, avaient fini par nous envelopper. Et pas du tout, voilà la musique qui repart plus fort autour de Frechwiller. Car c'est la vérité pure, MacMahon est peut-être un serin, mais il est brave, fallait le voir sur son grand cheval au milieu des obus. Un autre aurait filé dès le commencement, jugeant qu'il n'y a pas de honte à refuser de se battre quand on n'est pas de force. Lui, puisque c'était commencé, a voulu se faire casser la gueule jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a réussi? Dans Frechwiller, voyez-vous, Ce n'étaient plus des hommes, c'étaient des bêtes qui se mangeaient. Pendant près de 2 heures, les ruisseaux ont roulé du sang. Ensuite, dame, il a tout de même fallu décamper. Et dire qu'on est venu nous raconter qu'à la gauche, nous avions culbuté les Bavarois. Tonnerre de bon Dieu! Si nous avions été 120 000, nous aussi, si nous avions eu assez de canons et des chefs un peu moins sereins. Et violents, exaspérés encore, dans leurs uniformes en guenilles, gris de poussière, Coutard et Picot se coupaient du pain, avalaient de gros morceaux de fromage, en jetant le cauchemar de leurs souvenirs, sous la jolie treille, aux grappes mûres, criblées par les flèches d'or du soleil. Maintenant, ils en étaient à l'effroyable déroute qui avait suivi, les régiments débandés, démoralisés, affamés, fuyant à travers champs, les grands chemins roulant une affreuse confusion d'hommes, de chevaux, de voitures, de canons, toute la débâcle d'une armée détruite, fouettée du vent fou de la panique. Puisqu'on n'avait point su se replier sagement et défendre les passages des Vosges, où 10 000 hommes en auraient arrêté 100 000, on aurait dû au moins faire sauter les ponts, combler les tunnels. Mais les généraux galopaient dans l'effarement, et une telle tempête de stupeur soufflait, emportant à la fois les vaincus et les vainqueurs, qu'un instant les deux armées s'étaient perdues dans cette poursuite à tâtons sous le grand jour. Mac Mahon filant vers Lunéville, tandis que le prince royal de Prusse le cherchait du côté des Vosges. Le 7, les débris du premier corps traversaient Saverne, ainsi qu'un fleuve limoneux et débordé, charriant des épaves. Le 8, à Sarrebourg, le 5e corps venait tomber dans le premier, comme un torrent démonté dans un autre, en fuite lui aussi, battu sans avoir combattu, entraînant son chef, le triste général de Failly, affolé de ce qu'on faisait remonter à son inaction la responsabilité de la défaite. Le 9, le 10, la galopade continuait, un sauve-qui-peut enragé qui ne regardait même pas en arrière. Le 11, sous une pluie battante, on descendait vers Bayon pour éviter Nancy, à la suite d'une rumeur fausse qui disait cette ville au pouvoir de l'ennemi. Le 12, on campait à Arouet, le 13 à Vicheray, et le 14, on était à Neufchâteau, où le chemin de fer, enfin, recueillit cette masse roulante d'hommes qu'il chargea à la pelle dans des trains, pendant 3 jours, pour les transporter à Châlons. 24 heures après le départ du dernier train, les Prussiens arrivaient. « Ah, foutu sort !» conclut Picot. « Ce qu'il a fallu jouer des jambes, et nous qu'on avait laissés à l'hôpital !» Coutard achevait de vider la bouteille dans son verre et dans celui du camarade. « Oui, nous avons pris nos clics et nos claques, et nous courons encore. Bah, ça va mieux tout de même, puisqu'on peut boire un coup à la santé de ceux qui n'ont pas eu la gueule cassée. » Maurice alors comprit. Après la surprise imbécile de Wissembourg, l'écrasement de Frechwiller était le coup de foudre dont la lueur sinistre venait d'éclairer nettement la terrible vérité. Nous étions mal préparés, une artillerie médiocre, des effectifs menteurs, des généraux incapables. Et l'ennemi, tant dédaigné, apparaissait fort et solide, innombrable, avec une discipline et une tactique parfaites. Le faible rideau de nos 7 corps, disséminé de Metz à Strasbourg, venait d'être enfoncé par les 3 armées allemandes, comme par des coins puissants. Du coup, nous restions seuls. Ni l'Autriche, ni l'Italie ne viendraient. Le plan de l'empereur s'était effondré dans la lenteur des opérations et dans l'incapacité des chefs. Et jusqu'à la fatalité qui travaillait contre nous, accumulant les contretemps, les coïncidences fâcheuses, réalisant le plan secret des Prussiens, qui était de couper en 2 nos armées, d'en rejeter une partie sous Metz, pour l'isoler de la France, tandis qu'ils marcheraient sur Paris après avoir anéanti le reste. Dès maintenant, cela apparaissait mathématique. Nous devions être vaincus pour toutes les causes dont l'inévitable résultat éclatait. C'était le choc de la bravoure inintelligente contre le grand nombre et la froide méthode. On aurait beau disputer plus tard, la défaite malgré tout, était fatale, comme la loi des forces qui mène le monde. Brusquement, Maurice, les yeux rêveurs et perdus, relut là-bas devant lui le cri « Vive Napoléon !» charbonné sur le grand mur jaune. Et il eut une sensation d'intolérable malaise, un élancement dont la brûlure lui trouait le cœur. C'était donc vrai que cette France, aux victoires légendaires, et qui s'était promenée, tambour battant, au travers de l'Europe, venait d'être culbutée du premier coup par un petit peuple dédaigné. 50 ans avaient suffi. Le monde était changé. La défaite s'abattait effroyable sur les éternels vainqueurs. Et il se souvenait de tout ce que Wes, son beau-frère, avait dit pendant la nuit d'angoisse devant Mulhouse. Oui, lui seul alors était clairvoyant, devinait les causes lentes et cachées de notre affaiblissement, sentait le vent nouveau de jeunesse et de force qui soufflait d'Allemagne. N'était-ce pas un âge guerrier qui finissait, un autre qui commençait? Malheur à qui s'arrête dans l'effort continu des nations. La victoire est à ceux qui marchent à l'avant-garde, au plus savant, au plus sain, au plus fort. Mais à ce moment, il y eut des rires, des cris de filles qu'on force et qui plaisantent. C'était le lieutenant Rochat qui, dans la vieille cuisine enfumée, égayée d'images d'Épinal, tenait entre ses bras la jolie servante, un troupier conquérant. Il parut sous la tonnelle où il se fit servir un café. Et, comme il avait entendu les dernières paroles de Coutard et de Picot, il intervint gaiement. « Bah, mes enfants, ce n'est rien tout ça, c'est le commencement de la danse. Vous allez voir la sacrée revanche à 7 heures. Pardi, jusqu'à présent, ils se sont mis 5 contre 1, mais ça va changer, c'est moi qui vous en fiche mon billet. Nous sommes 300 000 ici. Tous les mouvements que nous faisons et qu'on ne comprend pas, c'est pour attirer les Prussiens sur nous. Tandis que Bazaine, qui les surveille, va les prendre en queue. Alors, nous les aplatissons, crac, comme cette mouche. » D'une claque sonore entre ses mains, il avait écrasé une mouche au vol. Et il s'égayait plus haut, et il croyait de toute son innocence à ce plan si aisé, retombé d'aplomb dans sa foi au courage invincible. Obligeamment, il indiqua aux 2 soldats la place exacte de leur régiment. Puis, heureux, un cigare aux dents, il s'installa devant sa demi-tasse. « Le plaisir a été pour moi, camarade, » répondit Maurice à Coutard et à Picot qui s'en allaient, en le remerciant de son fromage et de sa bouteille de vin. Il s'était fait également servir une tasse de café, et il regardait le lieutenant, gagné par sa belle humeur, un peu surpris pourtant des 300 000 hommes, lorsqu'on était guère plus de 100 000, et de sa singulière facilité à écraser les Prussiens entre l'armée de Châlons et l'armée de Metz. Mais il avait, lui aussi, un tel besoin d'illusion. Pourquoi ne pas espérer encore, lorsque le passé glorieux chantait toujours si haut dans sa mémoire? La vieille guinguette était si joyeuse, avec sa treille d'où pendait le clair raisin de France, doré de soleil. De nouveau, il eut une heure de confiance, au-dessus de la grande tristesse sourde amassée peu à peu en lui. Maurice avait un instant suivi des yeux un officier de chasseurs d'Afrique, accompagné d'une ordonnance, qui tous deux venaient de disparaître au grand trot, à l'angle de la maison silencieuse occupée par l'empereur. Puis, comme l'ordonnance reparaissait seule et s'arrêtait avec les 2 chevaux à la porte du cabaret, il eut un cri de surprise. « Prosper ! Moi qui vous croyais à Metz !» C'était un homme de Remy, un simple valet de ferme, qu'il avait connu enfant lorsqu'il allait passer les vacances chez l'oncle Fouchard. Tombé au sort, il était depuis 3 ans en Afrique lorsque la guerre avait éclaté. Et il avait bon air sous la veste bleue de ciel, le large pantalon rouge à bandes bleues et la ceinture de laine rouge, avec sa longue face sèche, ses membres souples et forts, d'une adresse extraordinaire. « Tiens, cette rencontre, Monsieur Maurice !» Mais il ne se pressait pas, conduisait à l'écurie les chevaux fumants, donnait surtout au sien un coup d'œil paternel. L'amour du cheval, pris sans doute dès l'enfance quand il menait les bêtes au labour, lui avait fait choisir la cavalerie. « C'est que nous arrivons de Montois, plus de 10 lieues d'une traite, » reprit-il quand il revint. « Et Zéphyr va prendre volontiers quelque chose. » Zéphyr, c'était son cheval. Lui refusa de manger, accepta un café seulement. Il attendait son officier, qui attendait l'empereur. Ça pouvait durer 5 minutes, ça pouvait durer 2 heures. Alors son officier lui avait dit de mettre les chevaux à l'ombre, et comme Maurice, la curiosité éveillée, tâchait de savoir, il eut un geste vague. « C'est pas. Une commission, bien sûr. Des papiers à remettre. » Mais Rocha, d'un œil attendri, regardait le chasseur, dont l'uniforme éveillait ses souvenirs d'Afrique. « Eh, mon garçon, où étiez-vous là-bas ?»« À Médéa, mon lieutenant. »« Médéa ?» Et ils causèrent, rapprochés, malgré la hiérarchie. Prosper s'était fait à cette vie de continuelle alerte, toujours à cheval, partant pour la bataille comme on part pour la chasse, quelques grandes battues d'arabes. On avait une seule gamelle par 6 hommes, par tribu, et chaque tribu était une famille, l'un faisant la cuisine, l'autre lavant le linge, les autres plantant la tente, soignant les bêtes, nettoyant les armes. On chevauchait le matin et l'après-midi, chargé d'un paquetage énorme, par des soleils de plomb. On allumait le soir, pour chasser les moustiques, de grands feux, autour desquels on chantait des chansons de France. Souvent, dans la nuit claire, criblée d'étoiles, il fallait se relever et mettre la paix parmi les chevaux, qui, fouettés de vent tiède, se mordaient tout d'un coup, arrachaient les piquets avec de furieux hennissements. Puis c'était le café, le délicieux café, la grande affaire, qu'on écrasait au fond d'une gamelle et que l'on passait au travers d'une ceinture rouge d'ordonnance. Mais il y avait aussi les jours noirs, loin de tout centre habité, en face de l'ennemi. Alors, plus de feu, plus de chants, plus de noces. On souffrait parfois horriblement de la privation de sommeil, de la soif et de la faim. N'importe, on l'aimait, cette existence d'imprévu et d'aventure, cette guerre d'escarmouches, si propre à l'éclat de la bravoure personnelle, amusante comme la conquête d'une île sauvage, égayée par les razzias, le vol en grand, et par le maraudage, les petits vols des chapardeurs, dont les bons tours légendaires faisaient rire jusqu'aux généraux. « Ah !» dit Prosper, devenu grave, « ce n'est pas ici comme là-bas. On se bat autrement. » Et sur une nouvelle question de Maurice, il dit leur débarquement à Toulon, leur long et pénible voyage jusqu'à Lunéville. C'était là qu'ils avaient appris Wissembourg et Froeschwiller. Ensuite, ils ne savaient plus, confondaient les villes. De Nancy à Saint-Mihiel, de Saint-Mihiel à Metz. Le 14, il devait y avoir eu une grande bataille, l'horizon était en feu. Mais lui n'avait vu que 4 uhlans derrière une haie. Le 16, on s'était battu encore, le canon faisait rage dès 6 heures du matin, et on lui avait dit que, le 18, la danse avait recommencé, plus terrible. Seulement, les chasseurs n'étaient plus là, parce que le 16, à Gravelotte, comme ils attendaient d'entrer en ligne le long d'une route, l'empereur, qui filait dans une calèche, les avait pris en passant pour l'accompagner à Verdun. Une jolie trotte, 42 kilomètres au galop, avec la peur à chaque instant d'être coupé par les Prussiens. « Et Bazaine ?» demanda Rocha. « Bazaine ? On dit qu'il a été rudement content que l'empereur lui fiche la paix. » Mais le lieutenant voulait savoir si Bazaine arrivait, et Prosper eut un geste vague. Est-ce qu'on pouvait dire ? Eux, depuis le 16, avaient passé les journées en marche et contre-marche sous la pluie, en reconnaissance, en grande garde, sans voir un ennemi. Maintenant, il faisait partie de l'armée de Châlons. Son régiment, 2 autres de chasseurs de France et 1 de hussards, formaient l'une des divisions de la cavalerie de réserve, la première division, commandée par le général Marguerite, dont il parlait avec une tendresse enthousiaste. « Ah, le bougre ! En voilà un rude lapin ! Mais à quoi bon, puisqu'on a encore su que nous faire patauger dans la boue ?» Il y eut un silence. Puis Maurice causa un instant de Remilly, de l'oncle Fouchard, et Prosper regretta de ne pouvoir aller serrer la main d'Honoré, le maréchal des logis, dont la batterie devait camper à plus d'une lieue de là, de l'autre côté du chemin de l'An. Mais un ébrouement de cheval lui fit dresser l'oreille. Il se leva, disparut pour s'assurer que Zéphyr ne manquait de rien. Peu à peu, des soldats de toute arme et de tout grade envahissaient la guinguette, à 7 heures de la demi-tasse et du pousse-café. Pas une des tables ne restait libre. C'était une gaieté éclatante d'uniformes dans la verdure des pampres éclaboussées de soleil. Le major Bourroche venait de s'asseoir près de Rocha, lorsque Jean se présenta, porteur d'un ordre. « Mon lieutenant, c'est le capitaine qui vous attendra à 3 heures pour un règlement de service. » D'un signe de tête, Rocha dit qu'il serait exact. Et Jean ne partit pas tout de suite, sourit à Maurice qui allumait une cigarette. Depuis la scène du wagon, il y avait entre les deux hommes une trêve tacite, comme une étude réciproque de plus en plus bienveillante. Prosper était revenu, pris d'impatience. « Je vais manger, moi, si mon chef ne sort pas de cette baraque. C'est fichu, l'empereur est capable de ne pas rentrer avant ce soir. » « Dites donc, » demanda Maurice, dont la curiosité se réveillait, « c'est peut-être bien des nouvelles de Bazaine que vous apportez ?»« Possible, on en causait là-bas, à mon toit. » Mais il y eut un brusque mouvement, et Jean, qui était resté à une des portes de la tonnelle, se retourna en disant « L'empereur !» Tous furent aussitôt debout. Entre les peupliers, par la grande route blanche, un peloton de 100 gardes apparaissait. D'un luxe d'uniforme correct encore et resplendissant, avec le grand soleil doré de leur cuirasse. Puis, tout de suite, venait l'empereur à cheval, dans un large espace libre, accompagné de son état-major, que suivait un second peloton de 100 gardes. Les fronts s'étaient découverts, quelques acclamations retentirent. Et l'empereur, au passage, leva la tête, très pâle, la face déjà tirée, les yeux vacillants, comme trouble et plein d'eau. Il parut s'éveiller d'une somnolence, il eut un faible sourire à la vue de ce cabaret ensoleillé, et salua. Alors Jean et Maurice entendirent distinctement, derrière eux, Bourroche qui grognait, après avoir sondé à fond l'empereur de son coup d'œil de praticien. « Décidément, il a une sale pierre dans son sac !» Puis d'un mot, il arrêta son diagnostic. « Foutu !» Jean, dans son étroit bon sens, avait eu un hochement de tête. Une sacrée malchance pour une armée, un pareil chef. Et 10 minutes plus tard, après avoir serré la main de Prosper, lorsque Maurice, heureux de son fin déjeuner, s'en alla fumer en flânant d'autres cigarettes, il emporta cette image de l'empereur, si blême et si vague, passant au petit trot de son cheval. C'était le conspirateur, le rêveur, à qui l'énergie manque au moment de l'action. On le disait très bon, très capable d'une grande et généreuse pensée, très tenace d'ailleurs en son vouloir d'homme silencieux. Et il était aussi très brave, méprisant le danger, en fataliste, prêt toujours à subir le destin. Mais il semblait frappé de stupeur dans les grandes crises, comme paralysé devant l'accomplissement des faits, impuissant dès lors à réagir contre la fortune si elle lui devenait adverse. Et Maurice se demandait s'il n'y avait pas là un état physiologique spécial, aggravé par la souffrance, si la maladie dont l'empereur souffrait visiblement n'était pas la cause de cette indécision, de cette incapacité grandissante qu'il montrait depuis le commencement de la campagne. Cela aurait tout expliqué. Un gravier dans la chair d'un homme, et les empires s'écroulent. Le soir, dans le camp, après l'appel, il y eut une soudaine agitation, des officiers courant, transmettant des ordres, réglant le départ du lendemain matin à 5 heures. Et ce fut, pour Maurice, un sursaut de surprise et d'inquiétude quand il comprit que tout, une fois encore, était changé. On ne se repliait plus sur Paris, on allait marcher sur Verdun, à la rencontre de Bazaine. Le bruit circulait d'une dépêche de ce dernier, arrivée dans la journée, annonçant qu'il opérait son mouvement de retraite. Et le jeune homme se rappela Prosper, avec l'officier de chasseur, venu de Montois, peut-être bien pour apporter une copie de cette dépêche. C'était donc l'impératrice régente et le conseil des ministres qui triomphaient, grâce à la continuelle incertitude du maréchal de Mac Mahon, dans leur épouvante de voir l'empereur rentrer à Paris, dans leur volonté têtue de pousser malgré tout l'armée en avant pour tenter le suprême sauvetage de la dynastie. Et cet empereur misérable, ce pauvre homme qui n'avait plus de place dans son empire, allait être emporté comme un paquet inutile et encombrant parmi les bagages de ses troupes, condamné à traîner derrière lui l'ironie de sa maison impériale, ses sans-gardes, ses voitures, ses chevaux, ses cuisiniers, ses fourgons de casseroles d'argent et de vin de champagne, toute la pompe de son manteau de cour, semé d'abeilles, balayant le sang et la boue des grandes routes de la défaite. À minuit, Maurice ne dormait pas encore. Une insomnie fiévreuse, traversée de mauvais rêves, le faisait se retourner sous la tente. Il finit par en sortir, soulagé d'être debout, de respirer l'air froid, fouetté de vent. Le ciel s'était couvert de gros nuages, la nuit devenait très sombre, un infini morne de ténèbres que les derniers feux mourants des fronts de bandières éclairaient de rares étoiles. Et dans cette paix noire, comme écrasée de silence, on sentait la respiration lente des 100 000 hommes qui étaient couchés là. Alors, les angoisses de Maurice s'apaisèrent, une fraternité lui vint, pleine de tendresse indulgente pour tous ces vivants endormis, dont bientôt des milliers dormiraient du sommeil de la mort. Braves gens tout de même, ils n'étaient guère disciplinés, ils volaient et buvaient, mais que de souffrances déjà, et que d'excuses dans l'effondrement de la nation entière. Les vétérans glorieux de Sébastopol et de Solferino n'étaient déjà plus que le petit nombre, encadré parmi des troupes trop jeunes, incapables d'une longue résistance. Ces quatre corps, formés et reconstitués à la hâte, sans lien solide entre eux, c'était l'armée de la désespérance, le troupeau expiatoire qu'on envoyait au sacrifice pour tenter de fléchir la colère du destin. Elle allait monter son calvaire jusqu'au bout, payant les fautes de tous du flot rouge de son sang, grandie dans l'horreur même du désastre. Et Maurice, à ce moment, au fond de l'ombre frissonnante, eut la conscience d'un grand devoir. Il ne cédait plus à l'espérance vantarde de remporter les victoires légendaires. Cette marche sur Verdun, c'était une marche à mort, et il l'acceptait, avec une résignation allègre et forte, puisqu'il fallait mourir.